Président Bandakani, à quoi s'attendre à À quoi travers ce s'attendre? retour de Blaise Compaoré? C'est un retour. C'est un retour, il est présent à une rencontre. Oui, mais c'est tout. Il est venu. À huis clos, on oui, va le dire. Ce n'est pas un retour, puisque je crois qu'il est, à... il est dans son vrai pays. Il n'est pas retourné dans son vrai pays. Parce que je commence à poser un problème simple de forme et qui est aussi de fond. Monsieur Compaoré, puisqu'il faut appeler monsieur, cette racaille, cette tordue, elle est venue à cette rencontre en tant qu'ivoirien au Burkinabé. Non, c'est important. Burkinabé, parce qu'on précise non, bien pas... qu'il s'agit d'une rencontre non. des anciens chefs d'État burkinabé et du colonel Damiba. Je voudrais vous rassurer, c'est pas vous qui posez la question, c'est vous qui posez la question ici. C'est parce que vous regardez. Mais je suis en train de parler aux Africains. Et à celui qui s'apparente de plus en plus comme un voyou, qui ne sait pas ce qu'il fait à la tête de l'État burkinabé là. Maintenant, on est clair que Damiba, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Il n'est pas attendu. Là, maintenant, c'est clair. Nous, là, on regardait, mais on sait là maintenant que vraiment, c'est un voyou. Il ne sait pas ce qu'il fait là. Non, là, maintenant, c'est clair. Hein. L'acte qu'il a posé est un acte de grand voyoutisme, entre guillemets, d'un soi-disant président. Parce qu'on a la tête d'un pays, mais on ne pose pas n'importe quel acte sans réfléchir. Si vous êtes militaire, entourez-vous de conseillers valables. Ils vont vous dire quelles sont les conditions, oui. Quels sont les contours. Oui. Vous êtes que vous posez. Je pose ma question. Cette tordue qu'on appelle comparé, parce que là, que mon frère m'excuse, je m'en fous de son âge, là où il est là maintenant. Comparé n'a droit à aucun respect. Aucun respect de monsieur là. Tu vas m'excuser. Moi aussi, je suis africain. Mais il y a des choses qu'on ne tolère pas. C'est comment? Des choses qu'on ne tolère pas dans le continent. Donc, je demande que ce type-là est venu à cette rencontre comme Burkinabé ou Ivoirien. Mais comment quelqu'un peut diriger un pays pendant 22 ans? Dès qu'il perd le pouvoir, il change de nationalité. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire et Burkinabé sont un pays. Il y a un problème. Donc, il a beau ça. Et ce n'est pas un petit problème, hein. C'est un problème juridique. Je n'ai pas lu le code de la nationalité de Burkina Faso, mais je pense qu'il y a quand même un problème juridique. Que même sur la forme, ça lui a été réglé avant même qu'il ne vienne. Il faut régler ça sur la forme et faire un petit communiqué parce que il s'engage la crédibilité non seulement de l'État, mais de celui qui l'incarne. Ce n'est pas un jeu. Monsieur Compaoré a été jusqu'à ambassadeur de Burkina Faso, pas dans un pays, non? Oui. Ambassadeur de Côte d'Ivoire, je crois au Qatar. Mais il y a 40 ans, c'est quand même sérieux là. Il y a un problème. Il vient là alors, il est burkinabé ou il est ivoirien. Hein? Il y a des faits qui ont conduit à ça, de manière objective, que, ayant été chassé de pouvoir, il fallait bien qu'il trouve là où il restait. Il y a eu, maintenant on a décidé qu'il est ivoirien. Mais quand vous l'invitez au Burkina, vous dites qu'ancien chef de l'État de ce pays vient, on ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Entre-temps, actuellement, il est ivoirien. La nationalité dont il se prévoit actuellement, c'est la nationalité ivoirienne. C'est une signification juridique. Je laisse de côté la dimension politique, je laisse ça de côté, juridique. Un président qui se respecte ne manipule, ne joue pas comme ça avec les choses comme ça. Il s'agit quand même de l'État. Bon, où ce militaire, c'est pas où il sort. Il sort de ce type-là. Donc, ça c'est clair. Le deuxième élément de forme, c'était de montrer, tout le monde a parlé de ça, de mandat d'arrêt qui devait être fait parce que quelqu'un a été condamné. Oui. Alors, est-ce qu'au nom de la réconciliation, la loi n'existe plus? C'est quand même inquiétant quand un chef d'État, entre guillemets, pose certains actes. C'est-à-dire que, ça parce que vous voulez dire que, bon, réconciliation et la loi n'existe plus. La loi n'existe plus. Il y a un problème. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas, au nom de la réconciliation, par votre babadage, marcher sur la loi. La loi disparaît d'un coup. C'est pour ça que les autorités judiciaires de Burkina Faso ont réagi. Oui. Parce que leur honneur était en jeu. L'honneur, quand même, que, bon, ok, Si on a un fou qui est président, sauvons l'honneur du pays quand même, parce que à l'étranger, on nous regarde. Peut-être le militaire là, il est devenu fou. Il est fou. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Il confond tout. Il pense que l'État, c'est un coup de fusil. Bon, nous sauvons-le. Moi, pourquoi ils sont. Je comprends très bien que le conseil des les magistrats du Burkina soit sorti, parce que quand même, dans le monde entier, quand même, oui. On regarde ça. On regarde que, ça. C'est quelle justice. Hein? Oui, on regarde ça. Et puis, comme, on se demande quand même quelque part que bon. On espère qu'il y a encore un magistrat dans ce pays-là. Il y a quelqu'un qui a fait le droit. Vous faites un procès retentissant, le monde entier fait le bruit, les médias parlent partout pour que, quand vous avez fini, vous émettez les condamnations. Un soi-disant militant, on ne sait pas où il sort, ou on ne sait pas ce qu'il saisit, où il est entre-temps, ce qui n'est pas dans sa tête. Il se comporte comme si l'État, c'est un coup de fusil, c'est une garnison militaire. À quoi la garnison militaire ont des règles. Des règles très dures. Attention. En matière de discipline. Attention. Donc, ça pose. On est encore au niveau de la forme là. On s'amuse là. Hein? On est en train de jouer. Allez, des petites choses vraiment qui montrent que c'est pas sérieux ça. C'est pas sérieux ça de sa part. Et que Damien Bané n'est pas sérieux. S'il se trompe d'endroit, il dégage là-bas vite. Vite qu'il va s'occuper de l'armée. Dégage là. Parce qu'il se trompe, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Prenez un minimum. Prenez un minimum de. De garanties, de précautions, oui. Demandez, oui. Renseignez-vous, c'est pas compliqué. Un président ne connaît pas tout. Non, tu te fais les conseillers, c'est à ça. Oui. Parce que ben, là, j'ai envie de faire ça. Quels sont les préalables pour éviter ces machines? On va vous dire ça en 30 minutes, c'est réglé. Oui. Ils pouvaient amnistier avant de le faire. Mais comment venir. La grâce, les enfants, juste oui, même si comment? C'était un scandale, mais au moins s'il va dans ça ce devait faire un scandale, mais au moins. Il va l'avoir en prison, oui, même. Il va l'avoir dit qu'un élément. Au moins, éléments. Il aura respecté oui. Le droit et il aura respecté la justice tout du à fait. Faso. C'est ça. Tout à fait. Donc, il y a là des choses qui montrent qu'on a affaire à quelqu'un qui ne comprend pas la vie, surtout. Et moi, ça ne me surprend pas. Nous avons été très méfiants dès. Le début à l'égard de ce truc. Nous devons donner un petit souci pour voir. Oui. Mais là, je crois que c'est un voyou. C'est un voyou. Non, c'est vrai. Il y a, je suis seulement au début, hein. Laissez-moi parler un peu au bout. Il y a la valeur du procès sans garantie en soi. Il faut revenir là-dessus. C'est pas un procès, ça. C'est pas un procès. Il faut arrêter ça. C'est pas un procès, ça. Un criminel ne juge pas son crime. Vous avez vu un bandit juger son. Je vole l'argent, c'est moi qui juge mon vol. C'est ça. On parle de quoi? D'abord, c'est-à-dire que ça soit au plan interne, il y a des éléments que notre ami a convoqués, monsieur Bindouté. Il y a des éléments. J'ai des réserves sur l'ethnicisation de son analyse. C'est un problème. Je dis tout à l'heure, je reviendrai de manière un peu plus argumentée pour ça. Mais il a donné des éléments qui sont à prendre au sérieux. C'est-à-dire que qui fait le procès? Les gens qui ont tous encore organisé le procès pour se blanchir, pour clore l'affaire. C'est ça qu'il s'agit là, pour faire un procès. Ça, c'est la dimension interne. C'est-à-dire ceux que le juge sont les gens qui l'ont tué, ou bien sont des dépositaires de ceux qui l'ont tué. Mais ils ne peuvent pas juger le crime. Maintenant, il y a la dimension internationale du crime. Même les gens du procès ont reconnu qu'il y a deux procès. Il y a deux, ça a deux. C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions du procès, ça a deux volets. Il y a le volet complot international et le volet entre guillemets nationaux, même comme les deux sont inséparables. Oui. Monsieur de l'Elysée, là, le Jupitérien, il a promis en 2017 dans sa fanfaronnade qui faisait Burkina Faso, à Ouaga, que je vais les archives déclassifier, bien je vais les déclassifier, je mettrai ça à disposition. Il a pris l'engagement devant le monde entier. Ça va être respecté. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avez documentés de l'époque qui ont été mis par le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay, la DGSE, l'Elysée et Matignon. Vous faites un procès 140 sans cet élément. C'est nul. C'est nul. Parce que dans cet élément, vous avez même les coups de fil, les audios des coups de fil. Ouais. Qui dirigeaient, comment on dirigeait les événements, ouais. Mon cher Bindouté. Vous avez même les audios des éléments. Comment on dirigeait les gendarmes, les acteurs des services secrets français. Comment ils coordonnaient ça. Les éléments des forces spéciales françaises coordonnaient l'événement. C'est dans ces éléments-ci. Mais, curieusement, ces éléments sont soustraits du procès. C'est un procès, ça. Le procès de Sankara est à venir. Ça n'a pas eu lieu. Bon, les gens vont s'agiter, quoi qu'ils ont réussi. Hein. Mais j'ai pitié. Tout le monde a fait pitié. le sang des patriotes, qu'un homme est tombé pour une cause, on ne ferme pas ça comme ça. Jamais. On ne peut pas rêver. Jamais. Le procès Sankara aura lieu. Ce n'est pas les cabarets, les gens comme ça qui vont faire le procès Sankara. Non, non, non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Donc le procès n'a pas encore lieu. Et d'ailleurs, son épouse a réagi. Elle a dit comment elle a été une fois de plus blessée. Froissée. Oui. Humiliée. Là, tu joues le conciliateur et tu oublies d'impliquer l'élément fondamental de la réconciliation de la famille de Sankara. Oui, les enfants contraints à l'exil. Je vous ai dit que ce monsieur, c'est un voyou. Oui, mais un parti. Je dis que ce monsieur, la Gamiba, c'était un voyou. Non, s'il m'entend, hein, c'est un voyou, ça. Oui. C'est un voyou. Il faut être un peu sérieux. Alors, vous avez... On a un élément important qu'a souligné Bindouté. Le facteur tribal existe dans l'analyse, mais ce n'est qu'un facteur tribal. Mon cher frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, le facteur tribal, ce n'est qu'un facteur tribal. Ce n'est pas la causalité fondamentale. Non. On ne peut pas décrire le Burkina Faso en deux camps, deux ethnies, les Mossi d'un côté et les autres qui vont s'affronter. Ça, c'est une classification purement impérialiste. De deux, c'est une création impérialiste. Cette division-là, c'est qui? Ça ne vous rappelle rien, mon frère. C'est le Rwanda, ça. Ça, c'est le Rwanda. Les Belges ont trouvé une division de travail. Des castes qui incarnaient une division de travail. Ils ont transformé ça en tribu. Devenus tous ici ou tout. Et qui ne sont pas les seules races, entre guillemets. Il y a des choses. Au Burundi. Au Rwanda. Rwanda, oui. Mais, oui, au Burundi, oui. Mais ils ont transformé ça en ethnie. Et ils ont théorisé là-dessus. Au point de définir, de distinguer les cheveux. C'est-à-dire, on faisait la théorie des cheveux, et des dents. Et de la forme du visage. Du visage et tout, de la taille, pour justifier. La différence. Et mettre dans un granit. Un truc qui n'existait pas avant, et ça paraissait désormais vrai. Ça aboutit au génocide. Je voudrais te prendre à témoin que, quelles que soient tes bonnes intentions de dire la vérité dans cette affaire, le risque génocidaire est là. Et on va exploiter ça. Parce que si on dit que c'est une affaire ethnique, l'issue, c'est le génocide. Parce que tout le monde ne va pas faire comme toi. Il y a des gens qui vont dire que, ok, comme c'est l'ethnie, la solution, c'est Kagame. Faisons comme Paul Kagame. Allons chercher les alliances à l'étranger, aux États-Unis. Allons être dans. Comme il a fait. Beaucoup de gens prennent Kagame pour une référence. On le prend pour une référence. Il n'est pas une référence, Kagame. Je suis très poli ce soir le concernant. C'est un criminel, Kagame. Il n'est pas une référence. On ne marche pas sur 1 500 000 personnes de morts pour arriver au pouvoir. C'est quel pouvoir, ça? Quel pouvoir? Donc, cette théorie qui divise, qui classifie, là, c'est un, le mot est, je l'utilise exprès, la classification ethnique et raciale. C'est très grave. C'est très grave. Ça n'a jamais existé en Afrique. Nous avons des nationalités, ethniques ou tribales, mais la classification raciale, c'est un truc dangereux. Dangereux parce que, même si le plan de l'anthropologie africaine, cher René, que tu connais bien, cher frère, une ethnie n'est pas composée seulement par comment dire ça, une typification identitaire. Une ethnie, c'est un des éléments, l'élément sentimental, l'élément généalogique, mais il y a la culture, l'économie, l'élément économique, le rapport à la terre, le rapport à l'économie et tout. Mais si on met ça de côté et on prend seulement l'élément sentimental que je qualifie l'élément généalogique, on a faussé l'histoire. On a faussé l'histoire. Dès qu'on met en perspective la dimension économique, les fondements matériels de l'ethnie, c'est-à-dire l'économie, du coup, vous avez devant vous l'impérialisme qui apparaît. Immédiatement. Vous voyez son rôle fondamental qui est là devant vous. Immédiatement. Parce que l'impérialisme a rayé nos conceptions de l'économie. Et du coup, quand on retire cette base matérielle de l'existence, fondamentale de la construction, si on veut même parler comme ça, parlons comme ça, de l'édification ethnique, entre guillemets, quand on retire ça, l'ethnie, ça végète en l'air. Parce qu'un homme ne vit pas seulement, Il y a personne qui vit parce qu'il dit que ma généalogie est ça. Ouais. Pour vivre, je dois manger, je dois me loger, je dois me nourrir. C'est fondamental. C'est fondamental. Donc cette affaire-là de dire que je connais, c'est pas naïf, hein, je te rassure. Hein. Je connais le rêve de l'empire aussi. Ça, je te rassure, je connais ça. Les Ouattara sont dedans. Les Ouattara, ils sont, je connais. Je connais leur rêve. Et ça, mais quand tu vas fouiller derrière, il y a qui? Il y a la France, j'arrive. Il y a la France qui est derrière. Qui manipule ça très bien. Ils ne sont pas les seuls. Les Peuls, il y a le rêve d'un empire Peul aussi. Au-delà des frontières, là, il y a le rêve là. Mais quand tu grattes qui est derrière, les Sloux d'Alain Diallo en Guinée sont derrière ça. Même les Berbères. Mais je dis que je prends ces balles, les exemples. La sœur, là, Linda Larbaoui a déjà parlé de ça ici. Mais même l'histoire des Berbères, c'est pareil. Il y a plus de cas comme ça. Il y a plus de cas comme ça où les impérialistes prennent en charge ce type de jeu politique, ethnique, ethnologique, ça, pour diviser les Africains, mais à un niveau maintenant qui dépasse certaines frontières. Ils anticipent sur nos évolutions. Quand on parle peut-être de l'empire, Peul, c'est quoi? Mais tu as les Peuls partout dans beaucoup de pays africains. Il s'agit de les constituer en empire. Oui. Mais derrière, il y a quoi? Il y a quoi derrière? Kagame, son projet, c'est quoi? Mais c'est le Tutsi Land, c'est-à-dire que c'est le Tutsi Power. Ah, ouais. C'est-à-dire que quelques élites Tutsi, on n'a même pas réuni tous les Tutsi pour leur parler de ça, attention. Il n'y a pas eu une réunion de Tutsi, on a dit que Tutsi Power. C'est quelques élites qui manipulent. Des ressentiments, des frustrations historiques pour géopolitiser un Tutsi Power, si on prend le cas du Rwanda, mais qui est au service de Kagame et son clan et les autres. Mais qui est le patron de ça? Washington, les Occidentaux. Ils sont eux, ils sont derrière. Ça existe partout. Donc, quel que soit ce que nous avons dans le cœur, ne tombons pas dans le piège tribal. Ne tombons pas dans le piège de d'essentialiser, n'est-ce pas, nos appartenances. Pas tomber dans ce piège. Parce que là, la seule solution, c'est le génocide. Chaque attaque a étudié ça, ça se règle par le génocide. Alors, le génocide est inacceptable. C'est inacceptable le génocide. De dire que je vais aller exterminer un semblable, surtout un Africain comme moi, je l'extermine pour exister. C'est ça Kagame et consort. Donc, je vois comme on me demande de chuter. Je voulais préciser ça. Pour terminer par quoi? Bertrand tout à l'heure a vu ça, que derrière le bluff qu'on fait là, les vraies choses se préparent. Il y a une bagarre au sein de la famille néocoloniale burkinabé actuellement. Et cette bagarre est exacerbée par le fait que, bon, un incompétent est au pouvoir. Un incompétent qui ne sait pas là où il est au pouvoir. Dans la famille, il y a ceux qui veulent rapidement que la tradition militaire s'abrège très vite. Et que les politiques prennent le pouvoir. Ces politiques-là sont les qui? Ce sont ce que j'appelle l'aile parisienne de la politique burkinabé. C'est-à-dire qu'il a parlé de ça, les gens, les amis de Comporé, la grande famille là de Comporé, avec ce que la Burkina pendant 22 ans, a dit tous ces gens qui, historiquement, sont les produits français. Et ça remonte de très loin. C'est la bagarre depuis l'indépendance. On peut même monter encore très loin. Hein? Même quand les deux pays, la Côte d'Ivoire, ça formait. Il faut mettre un même pays. Ouais. Vous allez remonter, vous allez voir cette géopolitique-là, qui est que l'exploitation coloniale, tout tourne autour de la mise en valeur de la colonie. Tout. Il lève le doigt, il veut pas la parole. Donc tout tourne autour de ça. Ces vieilles familles-là, ces vieilles familles historiquement-là, sont renouvelées et continuent. Actuellement, ils ont l'occasion, non? Comparé est parti. Il y a une bagarre entre eux que, bon, ok. Qui prendra le pouvoir entre vous? Vous avez le camp Comporé, demain même le Congo de son parti, dans son parti, on l'a appelé de venir arbitrer les conflits au sein de son parti. Son propre parti, oui. Président d'honneur, que vient arbitrer. Viens mettre, on ne s'entend pas ici. Donc, c'est la bagarre là qui vont jusqu'à déstabiliser une transition qui aurait pu changer le cours du pays. Tout à fait. Si ce monsieur était à la hauteur. Non, c'est ça. Ça déstabilise. Et comme lui, il n'est pas dans son assiette, il ne sait pas, il n'est pas dans son assiette, tout ça, il est déstabilisé, il n'a pas de repère. Il s'embrouille, il convoque les mêmes gens, deux sémans sont venus. Bon, il y a un qu'on allait transporter, il a dit, comparé, un cadavre, un légume, on l'a transporté, il est mettre là pour le décor. C'est un pot de fleurs qu'on a mis là, mais un pot de fleurs même qui ne tient même pas. L'autre, ce sont des pots de fleurs qu'on a mis là. Zidane n'est pas venu, Kafandou n'est pas venu. Je laisse écouter les explications d'un président qui lui ont dit n'importe quoi à Mondovision, n'importe quoi, pour justifier leur absence. Vous voyez comment dans la même famille, il est déstabilisé. Parce que la vraie bataille, il a dit, la France prépare la vraie bataille. Et il est mieux pour la France que ça se passe entre guillemets démocratiquement. Entre voilà. guillemets. Donc on va positionner. C'est ça. Ils vont positionner rapidement. On lui demande de faire simplement une transition pour faciliter l'arrivée au pouvoir de la famille politique renouvelée qui va continuer comme avant. Surtout qu'il faut faire attention parce que moins d'erreurs, les Russes vont entrer. Les populations sont pro-russes, les gens en ont assez, les gens sont fatigués. Moins d'erreurs, la Russie va s'installer. Ça c'est le chemin français. La Russie va s'installer, les Russes vont s'installer. Il faut éviter ça par tous les moyens. Lui, on le déstabilise pour qu'il accélère ça. Et comme il n'a aucune consistance lui-même, ça va dans tous les sens. Et on va le ridiculiser comme ça au point où ça risque très mal se terminer pour lui. Parce que les politiciens, ils sont très retors. Ils sont très vicieux. Ils vont le déstabiliser comme ça, là. Ça va très mal se terminer contre lui. Il peut m'avoir encore même un coup de temps, même encore. C'est-à-dire que pour régler son sort à lui. Donc, vraiment, nous souhaitons que les populations burkinabé montent au créneau. Alors, c'est elles qui ont la solution là maintenant. Que les populations burkinabé montent au créneau. Et c'est important de distinguer la société civile patriotique, elle existe, ouais. de la société civile inculte. Ouais. La société civile inculte existe, tu as raison. Il a raison de dire qu'elle existe. Moi, on en a parlé ici. Je n'ai jamais inclus l'histoire des balais citoyens, tout ça. C'est les machines qu'on a fabriquées. Mais il y a une société civile qui existe. Il manifeste là tous les jours. On les voit. Quand le peuple burkinabé s'est levé contre le convoi, les convois de Barkhane. Mais c'est historique. Oui. C'est historique, ça. Ils sont là. Ce peuple-là, ils se battent. Donc, vivement, qu'un nouveau Sankara émerge, n'est-ce pas, dans ce pays-là et le remette dans sa trajectoire historique. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.